بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نستمر اليوم في حديث أبي هريرة المذكور في باب سجود السهو. On continue aujourd'hui donc le hadith de Abi Huraira رضي الله عنه qui est cité dans le sous-chapitre concernant la prosternation de la distraction dans le livre Umdat al-Ahkam. وقد وصلنا إلى سؤال ذي اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة. Et on est certes arrivé à la question qu'a posé ذو اليدين au prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il lui a dit: Ô messager d'Allah, as-tu oublié ou alors la prière a été diminuée? ففي هذا القول دليل على جواز وقوع النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان معروفا عند الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى لم يكن ذي اليدين أن يسأل هذا السؤال. Et donc il y a dans cette parole, cette question qu'a posé ذو اليدين, une preuve qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut oublier. Car s'il était connu chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait que celui-ci ne peut pas oublier, alors il n'aurait pas été convenable que ذو اليدين pose cette question. بل لما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله فقال لم أنسى ولم تكسر فتعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي فقال ذو اليدين بل نسيت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم القوم الصحابة أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم إذن الصحابة أقروا ذو اليدين على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي. Et donc encore plus que cela, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a répondu à ذو اليدين, il lui a dit: je n'ai pas oublié et la salat n'a pas été diminuée, n'a pas été raccourcie. Alors ذو اليدين, à ce moment-là, il a dit: donc tu as oublié, au messager d'Allah. Car si la prière n'a pas été raccourcie, c'est forcément que le prophète a oublié. Alors le prophète, il a demandé aux autres compagnons: est-ce que c'est comme ذو اليدين a dit? Est-ce qu'il a raison? Et les compagnons, ils ont dit: na'am, oui. Et donc les compagnons, ils ont été d'accord avec ذو اليدين sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تكسر قال العلامة النجمي رحمه الله يؤخذ منه أن من أنكر شيئا بناء على ما في ظنه لا يعد كاذبا ولا آثما وإن تبين خلاف ذلك. Et en ce qui concerne la parole du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit: je n'ai pas oublié et la prière n'a pas été raccourcie. Alors le très savant Najmi rahimahullah, il nous dit: nous pouvons tirer de ceci que celui qui nie quelque chose en se basant sur ce qu'il sait, sur ce qu'il pense, alors celui-ci n'est pas jugé comme étant menteur ni pécheur, même si après cela nous voyons que la vérité est contraire à ce que cet homme a dit. Même si après cela, nous voyons que la vérité est contraire à ce que cet homme a dit. Et donc, une personne, tu lui dis: Yahri, tu as fait ça tel et tel jour, tu as dit ça tel et tel jour. Il te dit: non, franchement, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Et ensuite, il apparaît que oui, il l'a dit. Aujourd'hui, toi, tu ne peux pas venir comme ça et lui dire: toi, tu es un menteur. Lui, il avait oublié qu'il a dit ça. Il l'a oublié. Et voilà donc cette parole du Cheikh Al-Najmi rahimahullah qui est très importante. Wa fi hadha al-kalam yadhharu lakum tanaqud al-musafiqa fa innahum yahrisuna ashadd al-hirs fi al-bahth 'an akhta'i wa zallati al-mashayikh alladhina yad'una ila as-sunnah fa in wajadu shay'an wa ankarahu sahibuhu nisyanan minhu. Rameau bil kadhib وإن قال تلك زلة لسان قالوا كذاب. Et là apparaît clairement la contradiction qu'il y a chez les Musafira. Vous savez, donc ceux qui aujourd'hui s'efforcent par tous les moyens de trouver les erreurs qu'il y a dans les cours des Meshir qui appellent à la Sunna. On fait tous des erreurs. Aujourd'hui, tu viens, tu vas dans le disque dur ici, tu dis on va prendre, télécharger tous les cours d'Abdelkarim, obligé, tu vas trouver des erreurs. C'est obligé. Al-Shafi'i, rahimahullah, l'imam Al-Shafi'i, il dit la Bouddha an yujad akhta fi kitabi. L'imam Al-Shafi'i, il te dit c'est obligatoire qu'il y ait des erreurs dans mon livre. Obligatoire. Pourquoi ? Elle est où la preuve ? Il a cité une preuve du Coran qui a des erreurs dans son livre. Elle est où la preuve qu'il a cité l'imam Al-Shafi'i ? Le Coran. Non. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Et si cela venait d'autre que Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de divergences, beaucoup de contradictions, et donc des erreurs. Et donc on fait tous des erreurs. Et donc aujourd'hui, ils cherchent à trouver des erreurs, à trouver des erreurs chez les méchirs qui appellent à la sunna. Et s'ils trouvent quelque chose, et que le cheikh il dit non, je ne me rappelle pas, non, j'ai pas dit ça, il a oublié. Ah, machallah, tout de suite. Kadhab. Tout de suite. Le cheikh il dit, c'était un lapsus. J'ai dit ça, c'est vrai, tel jour j'ai dit ça, mais c'était un lapsus. Ils vont dire non, c'était pas un lapsus. C'est sa croyance. C'était pas un lapsus. Alors que leur propre cheikh, le leader de ce mouvement, leur propre cheikh, il a des audios dans lesquels il dit quelque chose, ensuite on le corrige, il dit c'était un lapsus. Et donc eux, lorsqu'ils font des lapsus, c'est des menteurs, mais votre cheikh, lorsqu'il fait un lapsus, c'est imam ou ahl sunnah. Et donc il faut faire attention. Il faut faire attention à ne pas exagérer. À ne pas exagérer, cela entraîne la division dans la communauté musulmane. Barakallahu fikoum. Wa fi qawlihi fataqaddama fa salla ma tarak. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم اتكأ في مؤخر المسجد ثم تكلم مع الصحابة وبعد ذلك بنى على ما تقدم فدل على أن على جواز ذلك. Et donc il y a dans la parole lorsque Abu Huraira il nous dit ensuite le prophète il a continué à accomplir dans la prière ce qu'il a délaissé. Il a prié ce qu'il avait délaissé auparavant. Il y a dans cela donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié deux unités de prière. Ensuite, il a fait le taslim. Il s'est levé. Il est allé à l'arrière de la mosquée. Il s'est appuyé donc sur un morceau de bois. Il a parlé avec les compagnons, avec Zouliadine, avec les autres compagnons. Et après tout cela, il a continué la prière. Il a continué la prière. Cela montre que ceci est permis et qu'il n'est pas obligatoire à l'individu de recommencer sa prière. Illa in tal al faslu wa talabbas al mar'u bi ibadatin ukhra fa hina idin yu'id as salat. Sauf si il y a une longue durée entre la première partie de la prière et la deuxième partie. Sauf s'il y a une longue durée. Et que les savants disent, l'individu a commencé un autre acte d'adoration. À ce moment-là, les savants disent, l'individu recommence la prière. L'individu recommence la prière. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى فنستمر إن شاء الله بارك الله فيكم. وكذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو بعد السلام. فالحديث دليل على ما ذهب إليه الإمام مالك وأبو حنيفة. Et donc, il y a dans le hadith le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné après, il a fait la prosternation de la distraction après le salam. Ceci est une preuve qui va appuyer l'avis de l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa. C'est quoi l'avis de l'imam Malik ? On l'a cité hier. L'avis de l'imam Malik. S'il y a une diminution, tu fais avant, s'il y a un rajout, tu fais après. Voilà. L'avis de l'imam Malik, s'il y a une diminution, c'est-à-dire que tu as enlevé quelque chose de la prière, tu fais la prosternation de la distraction avant taslim. Tu as rajouté quelque chose à la prière, la prosternation de la distraction après taslim. Et donc ça, c'est l'avis de l'imam Malik. L'avis de l'imam Abu Hanifa. Kulluha ba'd as-salam. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il voit que la prosternation de la distraction est tout le temps après salam. وهذا الحديث دليل أيضا لما ذهب إليه الإمام أحمد. Ce hadith aussi est une preuve qui va appuyer l'argumentation de l'imam Ahmed. L'argumentation de l'imam Ahmed. Il n'y a pas des Hanbali. يسجد المرء في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سجد. L'individu, il se prosterne durant les moments ou alors pour les causes pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné comme lui s'est prosterné. C'est-à-dire al-mawadi'u allati sajada fiha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qabla as-salam nasjudu qabla as-salam wal mawadi'u allati sajada ba'da as-salam nasjudu ba'da as-salam. C'est-à-dire les causes pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné avant le salam, on se prosterne avant le salam. Et les causes pour lesquelles il s'est prosterné après le salam, on se prosterne après le salam. Ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed, rahimahullah. Taïb, wa dalil l'imam Shafi'i, wa qawl l'imam Shafi'i, c'est quoi ? Après. Tout après. Voilà, tout après. Non, c'est pas dit avant. Non, excusez-moi, tout avant. C'est Abu Hanifa, tout après. Et donc, l'imam Shafi'i, c'est tout avant. Avant le salam. فهذه أربعة أقوال. طيب فهذه أربعة أقوال وهنا قول حسن لأهل العلم يجمع بين مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد. Et donc voilà quatre avis et il y a un avis qui est très, je trouve, très fort des gens de science qui rassemblent entre l'avis de l'imam Malik et l'avis de l'imam Ahmed. Ça donne quoi? Si on rassemble entre les deux madhahib, ça nous donne quoi? Non. Là où le prophète sallam s'est prosterné. Si l'Akhta c'est l'Ancien et que le prophète sallam s'est prosterné après, ben tu te prosternes après. Si c'est une erreur et qu'il s'est prosterné avant, tu te prosternes avant. Si c'est un oubli, t'as pas fini. Là tu m'as cité que le mazhab de l'imam Ahmed. Tu fais tout après. Comment tu rassembles les deux madhhab? Tu prends la corde de la parole de l'imam Ahmed et tu la lis à la parole de l'imam Malik. Si la personne, et donc en fait c'est toutes les causes pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné avant la salat, avant le salam, on se prosterne avant salam. Les causes pour lesquelles il s'est prosterné après salam, on se prosterne après salam. Si tu fais quelque chose, lam yarid anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, tu as un oubli ou un rajout dont on n'a pas cet acte-là n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne trouves pas dans les hadiths. Alors à ce moment-là, tu fais comme l'imam Malik. C'est-à-dire, si tu as rajouté dans la prière, tu te prosternes après. Si tu as diminué, tu te prosternes avant. فهذا الجمع حسن لمن يعلم المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc, le fait de réunir ces deux madhhab, c'est bien pour la personne qui connaît les causes et les moments pour lesquels, durant lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prosternation de la distraction. Ça, c'est pour celui qui connaît. Walakin ala kulli hal, al-amru fihi wasi'. Fa in sajadta qabla as-salam aw ba'dahu fa salatuka sahiha. Mais dans tous les cas, si tu te prosternes avant ou après le salam, ta prière, elle est correcte. Dans tous les cas. Là, la divergence, c'est qu'est-ce qui est mieux. Lorsqu'on parle de cette divergence, on aborde le sujet qu'est-ce qui est mieux et préférable. Wallahu a'lam. وأيضا يؤخذ من الحديث أن السجود للسهو لا يتعدد بتعدد السهو في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعدما سلم ثم مشى واتكأ وتكلم مع الصحابة ومع ذلك لم يسجد إلا سجدتين وهو مذهب الجمهور من أهل العلم. Et donc il y a aussi dans ce hadith le fait que le nombre de prosternations liées à la distraction ne va pas augmenter en fonction des oublis que tu as eu dans la prière. En fonction des oublis. Pourquoi ? Parce que le prophète, lorsqu'il a fini le taslim, il s'est donc levé, il a marché, il s'est appuyé sur le bois, il a parlé avec des compagnons, et malgré cela, il n'a fait que deux prosternations pour la distraction. Il a donc tout rassemblé, donc, tout cela pour deux prosternations de la distraction. Wa qala Sheikh Najmi rahimahullah yu'khadhu minhu dalil ala annahu fi akhir as-salat li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lam yaf'alhu illa fi akhiriha wal hikmatu fi dhalik ihtimalu wuqu' as-sahwi aw wuqu' sahwin akhar فيكون جابرا للكل وفرع الفقهاء على ذلك أنه لو سجد ثم تبين له أنه لم يكن في آخرها لازمه إعادته في آخر الصلاة ذكر ذلك ابن دقيق العيد. Et donc le Cheikh Al-Najmi dit, nous pouvons tirer de cela une preuve qui montre que la prosternation de la distraction se fait tout le temps là fin de la prière. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a fait que à la fin de la prière. Quand je dis à la fin, ça ne veut pas dire après. Après taslim. C'est à la fin de la prière, soit avant taslim ou après taslim. C'est ce que je veux dire par la fin de la prière. Et la sagesse dans cela, le cheikh il nous dit, la sagesse quant au fait de faire cette prosternation à la fin de la prière, c'est qu'il est possible que tu aies un autre oubli durant la prière. Et donc, cette prosternation qui va être faite à la fin de la prière va suffire pour tous les oublis que tu as eus durant la prière. Et les savants, les fuqaha, ils ont tiré de cela que si la personne, elle fait la prosternation de la distraction pendant la salat, et ensuite, elle s'aperçoit qu'en fait, ce n'était pas la fin de la salat, eh bien, il lui est obligatoire, à la fin de la salat, de le faire, de refaire la prosternation de la distraction. Il lui est obligatoire, à la fin de la salat, de refaire la prosternation de la distraction. Ensuite, le shir, il continue en disant, le Cheikh Al-Najmi, il dit, Kultu, wa ala hadha, fa innahu yalzamu al-masbouk, idha sajada ma'a imamihi fi athna'i salatihi, an yu'idahu fi akhiriha, idha nfarad, wallahu a'lam. Le Cheikh nous dit un point important ici, il dit, et donc, à partir de cela, nous pouvons dire que celui qui est arrivé à la prière en retard, al-masbouk, il est arrivé en retard. S'il s'est prosterné, il a fait la prosternation de la distraction avec l'imam. Lorsqu'il va se lever après la salat, l'imam il finit sa prière, lui il continue, il va continuer tout seul, à la fin de la prière, il va devoir refaire la prosternation de la distraction, même s'il l'a fait avec l'imam. Pourquoi ? Parce que cette prosternation de la distraction, elle se fait à la fin de la prière. D'accord ? Il ne va pas se dire, j'ai déjà fait avec l'imam, ça suffit. Non, tu l'as fait à la fin de la prière. Et pour finir, وكذلك في الحديث أن من سجد إمامه للسهو وجب عليه أن يسجد للسهو كذلك وإن لم يسهو. Celui dont son imam s'est prosterné, il a fait la prosternation de la distraction, Alors, il lui est obligatoire à lui aussi, le ma'moum, de faire la prosternation de la distraction, même si celui-ci n'a pas oublié durant la prière. Amma in sahal ma'moum fi salat, fa hal yazidu li sahw. Le ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, si lui, il a eu un oubli durant la prière, est-ce que celui-ci va faire la prosternation ou pas? Ça dépend ce qu'il a oublié. À ce moment-là, il n'y a pas de prosternation de la distraction à faire. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'imam va assumer les obligations que toi tu as oubliées. L'imam va assumer les obligations que toi tu as oubliées, mais il ne va pas assumer les piliers. Les conditions. Il ne va pas assumer les piliers de la prière ou les conditions de la prière. C'est-à-dire que les piliers, il faut que toi, tu les fasses. Absolument. Les obligations aussi. Mais si tu as oublié, à ce moment-là, c'est autre chose. On ne parle pas de si tu as délaissé intentionnellement. Comme l'a dit l'imam Ibn Ubayz, rahimahullah ta'ala. Et donc, c'est important. On va faire un test rapidement. Très, très rapide. Un test très, très, très rapide. Et donc, une question rapidement pour qu'on puisse partir, inshallah ta'ala. Jamel, il a prié avec nous. On a fait salat al-Maghrib tout à l'heure. Imaginons Jamel, il s'est posé. On fait tous le tashahhud. Jamel, il se pose pour le tashahhud. Mais il a pensé à al-Iftar par rapport au jeûne tout à l'heure à la maison. Et donc, khalas, le mouk, il est dans le harira. Et donc, il n'a pas fait le tashahhud al-awwal. Il s'est assis pour le tashahhud al-awwal. Mais il ne l'a pas fait, il est resté comme ça. Après, quand l'imam s'est levé, ah, trop tard, il s'est levé avec. Qu'est-ce que Jamel doit faire à la fin de la salat? Rien. Rien. Rien. Rien du tout. Parce que c'est pas un pilier. C'est pas un pilier. Mais on n'a pas dit tashahhud, c'est un pilier. C'est le deuxième. Ah, le dernier. Voilà. Le dernier tashahhud. On va arrêter là pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.